productions menu m'ont déjà deux ans. Vendredi 20 mars, dès 17h au Cercle, vous aurez droit à un buffet show all you can hear gargantuesque. 5 à 7 avec DJ Menu et invité. 7 à 9, micro ouvert en âge aux productions menu avec projection d'image. 9 à 10, projection vidéo de shows ayant marqué les deux premières années des productions menu. 10 à 1, Stanley Watts. Barton Fink. L'Eurosité. Vendredi 20 mars, les 17h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph Est, au coût de $15. Confiture d'épices aux oignons confits, confiture de citrouille poivrée, confiture de fruits des champs. Vous aimez la confiture? C'est KRL aussi. CKRL présente son concours de la meilleure confiture au monde. Tout le monde peut participer. Faites-nous parvenir votre pot de confiture maison avec la liste des ingrédients au 405 3e avenue G1L 2W2 avant le vendredi 27 mars, 16h. Le gagnant ou la gagnante sera dévoilé lors de l'émission spéciale du Radioton 2009 Fruits et crapoutis en direct du Café Nagua le samedi 4 avril. À gagner un panier de produits bio et équitables du Café Nagua. Confiture de bleuet et chocolat noir. Confiture de pommes gelées à la vanille. Confiture de pruneaux et cannelle à la passe-partout. La confiture, c'est comme la culture. Moins on en a, plus on l'étale. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est avec vous pour la prochaine heure. Encore une fois, j'ai plein de bonne musique cette semaine, de la musique que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous avez les liens vers les artistes, vers les étiquettes. Donc, c'est une belle ressource pour trouver de la musique gratuite. Cette semaine, on va débuter avec une suggestion d'un auditeur. J'aime toujours ça. Écrivez-moi, ça fait plaisir. L'étiquette s'appelle Fool's Forest. C'est une étiquette qui nous vient de la Suède. Donc, je vais vous faire entendre le groupe norvégien Cathedral of Failure, la pièce Arrival. Ensuite de ça, sur l'étiquette allemande Ideology, je vous fais entendre deux pièces par Four Tracks. La première se nomme Eastbound, ça va être suivi par Spirit Cave. Donc pour tout de suite à Web Musique, on écoute Cathedral of Failure. Thank you. Thank you. C'était la pièce Spirit Cave précédée par la pièce Eastbound. Ces deux pièces-là se retrouvent sur l'album Slip Into Something More Comfortable. Donc, c'est par l'artiste Four Tracks qui vient de la ville de Cologne en Allemagne. Puis, on avait débuté l'émission avec Cathedral of Failure, la pièce Arrival. Donc, Cathedral of Failure, ça nous vient de la Norvège, puis c'était sur l'étiquette Fool's Forest, une étiquette qui nous vient de la Suède. On poursuit avec une autre étiquette allemande, il s'agit de Brock. Je vous fais entendre Volker Selznor, sa pièce Lost It. Puis ensuite de ça, ça va suivre avec Francis, la pièce Bronco Fregel. Pour tout de suite, Volker Selznor. Thank you. Le plus grand événement radiophonique médiatique à Québec. arrive bientôt. Le Radioton de CKRL est une vitrine incomparable pour la promotion de votre entreprise. Profitez de ce pouvoir médiatique et faites partie de cette grande fête les 3, 4 et 5 avril prochains. Informez-vous sur cet incontournable de la radio à Québec. Téléphonez au 640-2560. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là. Il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval. Disponible gratuitement tous les mardis. Le Festival Radioton de CKRL. De retour à Web Musique. Avant la pause, vous avez entendu Francis avec sa pièce Bronco Fraggle, puis c'était précédé par Volker Salzner avec sa pièce Lost It. Donc, deux artistes qui sont sur l'étiquette allemande Brock. Pour poursuivre, on va se diriger du côté de la France avec l'étiquette Fresh Pulp Records. Je vous fais entendre tout d'abord Norma avec la pièce Gaza Hebron. Puis ensuite de ça, on va entendre Pierre avec la pièce Parapluie en papier. Thank you. C'était la pièce Parapluie en papier par Pierre. C'était précédé par Norma avec sa pièce Gaza Hebron. Donc, deux artistes qui se retrouvent sur l'étiquette française Fresh Pulp Recordings. Je vous en fais souvent passer à l'émission. C'est toujours une bonne étiquette. Ils ont vraiment énormément de matériel intéressant. Pour poursuivre, on va aller avec des artistes qui sont sur l'étiquette Quiet Bump. On va débuter avec Das Kraftfutter Mischwerk avec sa pièce Hank. Puis ça va être suivi par Peak, la pièce A Train to Rhodes. Thank you.

C'était Peak avec sa pièce A Train to Roots. C'était précédé par Das Kraft Futur Mischwerk avec sa pièce Hank. Donc, deux artistes qui se retrouvent sur l'étiquette, l'excellente étiquette A Quiet Bump. C'est déjà tout pour Web Musique. Je vais vous donner rendez-vous à compter de 21h la semaine prochaine. D'ici là, ben, vous pouvez vous rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous avez des liens vers les artistes que vous avez entendus à l'émission. Vous pouvez télécharger les pièces gratuitement. On va se laisser avec une pièce de Mad EP. C'est sur l'étiquette Acroplane. Je vous fais entendre la pièce Hoods. Puis, je vais vous souhaiter une bonne nuit sur les ondes de CKRL. Restez à l'écoute. Il y a Jason Vlasak qui s'en vient après pour son émission Jazzimus Actuel. Bonne nuit. Soir, même le dimanche. Les 3 et 4 avril, c'est la machine à danser Télé-Québec. Une activité familiale pour les enfants de 3 à 7 ans. Télé-Québec. Danse avec DJ sur place. Télé-Québec. Projection vidéo et déguisement. Télé-Québec. La machine à danser est une création de Cook Salvé et Projet La Pieuvre dans le cadre du Radio-Ton CKRL 89. Au sous-sol du Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, les 3 et 4 avril de 13 à 16 heures, entrée gratuite. Une collaboration de Télé-Québec, du Musée de la Civilisation, d'Antenna, des productions menues, du projet Pieuvre, de la bande vidéo, de CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là, il est revenu, là, mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval, disponible gratuitement tous les mardis. Le jour, Marco Duchesne et Michel Johnson sont les employés modèles d'entreprises modèles. Mais le mardi soir, à 20h30, ils mettent leur casque d'écoute, s'arment de leur microphone et deviennent les messagers du jazz. Mardi 20h30, CKRL. La Barberie est fière de vous présenter cette édition du Radioton de CKRL les 3, 4 et 5 avril. Venez essayer notre nouvelle bière en casque et savourer une de nos 17 bières proposées chaque jour au menu. Profitez de notre salon de dégustation maintenant plus grand. Sur labarberie.com, vous trouverez des informations sur nos activités, une liste de tous nos produits, les nouveautés et plus encore. et soyez à l'écoute. Donnez généreusement pendant ces trois journées de festivités. Seront en campagne avec CKRL cette année Gaël, JP Dalpé, David Marin, Bory, Marie-Pierre Arthur, Christa Muir, Jaune et plusieurs autres. De nombreux encans alléchants, des cadeaux, des surprises, le tout parrainé par Alexandre Desilets. La Barberie, une microbrasserie fière de participer à cette édition du Radioton 2009. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 522-4373, ouvert de midi à 1h du matin, 7 jours sur 7. www.labarberie.com. Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.